Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il y a bien longtemps, quand il s'agissait de retrouver leur chemin, nos ancêtres utilisaient un drôle d'objet. Ils appelaient ça une carte. C'était un bout de papier plus ou moins grand, parfois très grand, sur lequel il y avait des dessins, des couleurs, une carte. Aujourd'hui, pour retrouver notre chemin, nous avons nos téléphones portatifs, nos smartphones. De même, dans la nuit, dans le noir, nos ancêtres utilisaient des lampes torches, un drôle d'objet aujourd'hui complètement disparu, parce qu'aujourd'hui nous avons nos smartphones, évidemment. Pour tout, c'était ainsi pour écrire, par exemple. C'est dingue, ils utilisaient au moins deux objets, un papier et un crayon. Nous avons nos smartphones pour envoyer des textos. Et au moment de calculer, ils ne sortaient pas leur smartphone, non, ils utilisaient une calculatrice, un petit objet carré avec des chiffres. D'autres utilisaient un boulier, mais ils disposaient d'un autre outil exceptionnel. Alors celui-là n'a pas vraiment disparu, enfin j'espère, non? C'était leur cerveau pour le calcul mental. Aujourd'hui, le cours de l'histoire sur France Culture est en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Merci à Blois de nous accueillir pour ces rendez-vous de l'histoire. Toute la semaine, nous avons évoqué ce thème annuel de cette année des rendez-vous de l'histoire, gouverné par les arts, gouverné par la science, gouverné par la peur, des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous ouvrons le magasin du monde. Attention, c'est un inventaire avec un bidet, un châle, un banjo, un hamac, une planche de surf aussi. Et pour nous en parler aujourd'hui, Pierre Singaravelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine au King's College à Londres et puis à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes l'auteur, avec Sylvain Vénère, vous êtes les directeurs en fait d'un ouvrage qui a mobilisé une véritable armée d'historiens, d'historiennes. Sylvain Vénère, un historien spécialiste du 19e siècle, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Et ce magasin du monde que vous ouvrez est sous-titré « La mondialisation par les objets du 18e siècle à nos jours ». Expliquez-nous le projet de ce magasin du monde, Pierre Singaravelou. Alors ce projet s'origine dans un premier livre que nous avons co-dirigé avec Sylvain et qui a paru en 2017 aux éditions Fayard, qui s'intitule « Histoire du monde au 19e siècle ». Une des quatre parties de ce livre se dénommait déjà le magasin, et il s'agissait de relater l'histoire du monde au 19e siècle à travers une sélection d'objets, le bibelot, le fez, une quarantaine d'objets, et on a découvert très vite que c'était la partie qui a séduit le plus de lecteurs, y compris ceux qui ne s'intéressaient pas a priori à l'histoire. Et il y a une raison à cela. C'est sans doute parce que, en fait, les objets sont le meilleur biais pour raconter l'histoire des femmes et des hommes du passé, mais de tout, idéalement de toutes les femmes et les hommes du passé. C'est-à-dire que contrairement aux œuvres littéraires ou aux œuvres d'art qui sont par définition élitistes, qui excluent par exemple les sociétés sans écriture et également aussi la majeure partie des populations, y compris en Europe occidentale jusqu'au 19e et même au début du 20e siècle, qui sont analphabètes, eh bien les objets sont le principal dénominateur commun de tous les hommes et les femmes de la planète. Oui, avec une circulation évidente. Cette circulation, nous la voyons sans cesse au quotidien avec tous ces objets qui nous entourent. Et même là, autour de nous, il y en a des tas. Il y a des gobelets, des stylos. Il y a aussi le masque. Le masque qui termine d'ailleurs l'ouvrage. Comme quoi, vous êtes vraiment à surveiller tous ces objets qui naissent, qui disparaissent, mais avec une démarche intéressante. Sylvain Vénère, bien souvent, les objets sont étudiés par leur inventeur. Ça, c'est vraiment la démarche classique de dire Tartampion a inventé telle chose. Alors que là, vous étudiez les objets d'une autre manière, avec un autre regard. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'historiographie et des techniques, mais je parle sous le contrôle de Laurence Guignard qui interviendra tout à l'heure. Mais effectivement, on a longtemps imaginé que cette histoire des techniques, elle devait d'abord être une histoire des inventions, rapportée à de grands noms de la science qui les auraient produits. On est passé dans un deuxième temps à une autre façon d'aborder cette question-là. On a plutôt remplacé le terme d'invention par le terme d'innovation, en essayant de comprendre des processus d'émergence d'objets sans les rattacher nécessairement à un grand nom qui serait celui d'un inventeur. Et puis, On est dans un troisième temps de cette historiographie. On a plutôt imaginé une histoire de la diffusion de ces objets et de leur réception, en comprenant que les appropriations des objets, par-delà leur innovation, participaient également de non seulement de leur usage, mais de leur essence. Là, ce qu'on nous on a tenté de faire ici, c'était d'élargir cette problématique de la diffusion à l'ensemble de la planète et, s'il peut me permettre encore une dernière remarque, d'imaginer des objets qui soient pas seulement ceux qu'on vient de citer parce qu'on les a autour de nous, le gobelet, le stylo bille ou le masque prophylactique, mais aussi des objets, parce que ces objets, leur problème, c'est qu'ils nous renvoient d'abord à une fabrication en série et ensuite à une fabrication en série qui s'origine dans la partie occidentale du monde. Et donc on pense la diffusion comme un processus qui irait en gros depuis l'Occident jusqu'au reste du monde. Ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, ça a été de montrer que c'est vrai pour partie, bien entendu. Il y a des objets qui sont de véritables révolutions, mais il y a aussi des objets qui viennent d'ailleurs que d'Occident, qui ont fait l'objet d'une appropriation en Occident même et qui se sont considérablement transformés de cette façon-là, et aussi de comprendre que les processus de fabrication de ces objets qui sont là, pour le coup, autour de la table, à commencer, mettons, par notre masque prophylactique, dont une grande partie d'entre eux viennent de Chine. Ces objets, même s'ils sont aujourd'hui en circulation en Occident, ils ont eu des conséquences dans leur mode de production à l'échelle du monde. Laurence Guignard, vous êtes également avec nous, professeur en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil. Justement, dans ce magasin du monde, vous vous intéressez au télescope. Et sur le télescope, moi j'ai beaucoup apprécié votre démarche, parce que vous ne commencez pas comme on pourrait l'avoir de manière classique, en disant « en telle année, le télescope a été inventé, puis on s'est dit Galilée, puis on avance comme ça ». Non, pas du tout. Vous commencez par une anecdote de 1835 dans The Sun of New York, et quelque chose qui nous étonne, mais qui nous fait comprendre l'intérêt de ces objets, au sens où ils sont révélateurs à la fois d'une mondialisation, pour utiliser un mot générique, mais aussi du regard que nous portons sur cet objet. Exactement. Les objets sont intéressants aussi par les interactions qu'on entretient avec eux, que les gens entretiennent avec eux et qui transforment en fait les individus, et puis aussi par l'imaginaire dont ils sont porteurs. Alors c'est particulièrement vrai pour le télescope, puisqu'on peut parler d'un imaginaire télescopique, hein, cette idée qu'on va pouvoir se rapprocher au plus près des astres lointains sans jamais les toucher, hein, c'est le propre de l'imaginaire télescopique. Et ce hoax, hein, ou cette fausse nouvelle de 1835 qui publie dans The Sun of New York un article annonçant que John Herschel aurait vu avec son immense télescope installé au Cap de Bonne-Espérance les habitants de la Lune, manifeste bien cet imaginaire, l'idée qu'on va pouvoir voir des choses qu'on ne pouvait pas percevoir jusque-là, et que le progrès technique, hein, va permettre ce rapprochement. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette fausse nouvelle, c'est qu'elle est immédiatement dénoncée évidemment par les scientifiques qui disent c'est faux, surtout en France d'ailleurs, hein, les Français sont très rigoristes, hein, l'Académie des sciences condamne très, très vivement, et puis en même temps évidemment elle circule et elle va circuler longtemps, donc ça prouve que ça interpelle. Mais ça interpelle parce que ce que vous évoquez sur ce télescope, Laurence Guignard, c'est un phénomène de regard. On regarde dans le télescope et on regarde le télescope et il change le regard. Et en fait, pour tous ces objets, le regard est intéressant. Parce que si nous prenons certains objets, ils ne naissent pas dans le monde occidental. Le monde occidental se les approprie, les fabrique parfois en série. Et le regard change selon où on se place. Et il y avait aussi cette volonté, hein, Pierre Saint-Garvelou, de jouer sur ces différents regards autour des objets qui sont cités dans ce magasin du monde, le magasin du monde publié chez Fayard. Oui, insister sur l'infinie plasticité de ces objets, le grand nombre d'usages qu'on peut en faire en fonction des régions du monde, les différentes généalogies aussi qui peuvent exister. On s'est intéressé par exemple à la planche de surf, et donc ce surf qu'on connaît bien en Occident, qui correspond à une pratique sportive, plus largement à une culture. En fait, on s'aperçoit qu'une des origines du surf se trouve dans le Pacifique, c'est connu, à Hawaï et en Polynésie, où c'est d'abord et avant tout alors un mode de vie intégral qui concerne l'ensemble des habitants, les femmes autant que les hommes, toutes les catégories sociales, et c'est aussi un outil politique. un outil de gouvernement, précisément, qui permet aux aristocrates de régler leurs conflits entre deux rouleaux en mer, et qui permet aussi aux jeunes gens de se rencontrer, d'abord entre deux vagues et puis ensuite sur la terre ferme. C'est aussi une pratique qui est au cœur des cultes religieux à Hawaï et en Polynésie. Et en fait, ça devient, avec la colonisation de Hawaï par les États-Unis, eh bien, ça devient un acte de résistance culturelle pour les Hawaïens, qui en fait en font un symbole de leur identité. Voilà, et d'un seul coup, la planche de surf, qui est quelque chose lié au divertissement, prend un tout autre aspect. On peut le lire de manière différente, et c'est pour ça que je suis très content que l'on soit tous ensemble au rendez-vous de l'histoire de Blois en direct aujourd'hui. Vous, Pierre Saint-Garévillo, Sylvain Venère, Laurence Guignard, parce que bref, tous ensemble, on est un peu les Beach Boys, quoi, des rendez-vous de l'histoire. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Voilà, nous remettons la mèche en sortant, après avoir surfé sur la vague. Et justement, si nous continuons à évoquer cette planche de surf, Pierre Saint-Garévillo, il y a tout un jeu de réappropriation. Et c'est cet échange qui fait la mondialisation des objets. Parce que quand nous tirons comme ça le fil tout doucement pour comprendre l'histoire d'un objet, nous voyons que l'objet change selon les contextes, selon les lieux, et puis selon le regard de ceux qui veulent s'approprier l'objet, que ce soit par l'utilisation ou que ce soit par l'invention même de cet objet, parce qu'on en tire une certaine fierté. C'est cela. Alors, ce qui est troublant dans l'histoire de la planche de surf, c'est qu'en fait, la plupart des historiennes et des historiens, et y compris dans la culture populaire, on a retenu une seule et même généalogie, celle précisément que je viens d'évoquer, la généalogie polynésienne. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que de nombreux pays revendiquent cette invention du surf, de l'Inde par exemple, en pays tamoul, où les pêcheurs dans le sud de l'Inde avaient l'habitude de se dresser sur des planches de bois qu'ils appelaient les catamaram, c'est-à-dire ce qui a donné le mot français catamaran, mais aussi au Pérou avec les cabalitos qui revendiquent la création du surf. On retrouve la même chose maintenant en Chine, et c'est drôle parce que la Chine aujourd'hui est la première productrice de planches de surf, de planches en mousse, en polyuréthane, hein, qui a permis une démocratisation du surf dans le monde entier. Et les Chinois, en fait, ont retrouvé une immense fresque dans le Yunnan, dans le sud de la Chine, une fresque qui représente des moines, des dizaines de moines, surfant des vagues gigantesques sur des planches en forme de carpe. Et donc, un certain nombre de Chinois revendiquent aujourd'hui l'invention du surf il y a plusieurs milliers d'années. Voilà, des moines. En deuxième partie d'émission, nous allons évoquer le management par les moines à partir de la règle de Saint-Benoît. Je ne sais pas si les bénédictins surfaient sur des carpes, mais en tout cas, nous les aimons beaucoup, ces moines-là, Pierre Saint-Garévillo. Et puis, dans ce magasin du Monde, a publié chez Fayard, la mondialisation par les objets du 18e du 18e siècle à nos jours, il y a aussi une construction. C'est un ouvrage qui expose, alors là, c'est vraiment le magasin, c'est un bazar, mais au sens positif du terme. Sylvain Venère, comment s'est construit cet ouvrage, en fait? Vous avez demandé, mais à un nombre gigantesque, presque une centaine d'historiens, d'historiennes, de travailler sur ces sujets-là. Donc, je pourrais les lire, on n'en finirait pas, hein, mais le timbre-poste, la baguette, le calumet, la batterie de cuisine, le pagne, le divan, etc., les consoles de jeu. Chacun de ces objets pourrait être l'objet d'un livre en tant que tel, parce que il dévoile un monde entier. Tout est dans l'objet, de sa fabrication, sa conception, son utilisation. Oui, on pourrait effectivement consacrer un livre à chacun de ces objets. Et ce serait sans doute un peu dommage du point de vue du projet qui était le nôtre, puisque tous les objets ne se prêtent pas aux mêmes démonstrations. Par exemple, si on reprend cet exemple de la planche de surf dont parlait Pierre Saint-Garévillo tout à l'heure, ce qui est assez frappant, c'est qu'on peut faire une histoire du progrès technique de la construction des planches jusqu'à ces planches qui sont fabriquées en Chine aujourd'hui, mais c'est pas l'aspect essentiel finalement de cette histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont ces planches, depuis la fin du XVIIIe siècle, pour autant qu'on en connaisse l'histoire, ont circulé à travers le monde, dont leurs appropriations ont changé. Cette histoire des objets, elle n'est que pour partie une histoire du progrès technique. On peut en donner un exemple rapide emprunté à l'un des auteurs du livre, parce que c'est une accusation qu'on entend volontiers aujourd'hui à propos des écologistes. Quand on dit les écologistes, ils veulent nous faire revenir à l'âge de la bougie. Mais ce que montre Jean-Baptiste Fressos dans le livre quand il fait son article sur la bougie, c'est que ce qu'on appelle la bougie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la chandelle du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle en fait la bougie stéarique, qui naît justement de la découverte de la stéarine qu'on peut aller chercher dans la Grèce et qui va transformer radicalement la vieille chandelle en permettant de faire des bougies qui ne s'éteignent pas, qui font moins de fumée, etc. Et cette bougie-là, si on va jusqu'au fond des choses, qu'on se demande comment est-ce qu'elles sont produites, en fait, on retrace une histoire qui est nécessairement à l'échelle du monde, puisque dans un premier temps, cette graisse, on va la chercher dans la graisse des animaux abattus, donc on va installer des usines de bougies autour des abattoirs, par exemple en région parisienne. Et puis, quand au bout d'un moment, on va s'apercevoir que l'huile de palme est plus intéressante pour fabriquer, pour aller chercher la stéarine qui permet de fabriquer ces bougies-là, on va voir ces usines se déconcentrer, elles vont disparaître des alentours des abattoirs, elles vont plutôt arriver à proximité des ports coloniaux, comme Marseille, par exemple, dans le cas français, parce que c'est de là qu'arrive l'huile de palme. Et alors là, si on va chercher ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pour la production de l'huile de palme, qui permet notamment de fabriquer les bougies stéariques, on rentre dans un univers tout à fait différent où entre en jeu le travail forcé, les grandes migrations d'hommes. Et on s'aperçoit que cette bougie, c'est alors même qu'elle... Évidemment, ce n'est pas le smartphone, mais en réalité, c'est un des aspects les plus importants de la révolution des objets, de la fabrication des objets au XIXe siècle. Sylvain Venard, nous vous entendons et tout est relié en fait. C'est en cela que c'est passionnant que tous ces articles, et il y en a, c'est quoi, c'est 3-4 pages pour un objet à peu près. Et ça se termine, hein, j'aime beaucoup, parce qu'il y a des renvois aux autres objets, notamment le texte qui est consacré au masque prophylactique, donc ce que nous avons tous sur le visage habituellement, un texte de Frédéric Vigneron. Bien, il y a des renvois pour aller ailleurs. Alors évidemment, il y a vers le gant, ce qui est tout à fait logique, hein, les gilets jaunes, tiens, oui, pourquoi pas, la tente, qui est aussi une protection, et le cercueil, évidemment. Toujours, non, mais c'est pour ça, on aime beaucoup se perdre dans ce magasin du monde, au sens où il y a de l'histoire culturelle, évidemment, mais aussi économique. Enfin, tout est mêlé. Et justement, puisque l'on parle d'histoire culturelle, je reviens vers vous, Laurence Guignard, parce que il y a, au-delà de ce que vous proposez dans le magasin du Monde, une revue. Une revue qui paraît actuellement. C'est la revue d'histoire culturelle. C'est une nouveauté. Vous pouvez nous la présenter, cette revue, parce que c'est quelque chose pour tous les historiens, les historiennes qui s'intéressent à l'histoire culturelle, qui était très attendu. Oui, alors effectivement, c'est une revue qui est en ligne depuis 2 jours, hein, la revue d'histoire culturelle. Une nouvelle revue, c'est son numéro 1 qui vient de sortir. Alors, elle est en ligne, ça signifie que c'est une revue numérique, hein, et ça a été un choix éditorial, hein, de publier une revue exclusivement numérique. Actuellement, elle est hébergée par une pépinière. On savait qu'il y avait des pépinières de start-up, mais on a découvert qu'il y avait aussi des pépinières de revues. Hein, en l'occurrence, c'est la pépinière de la Maison des sciences de l'homme de l'université Paris Nord. Et par la suite, on espère, hein, s'il y a d'autres numéros, ce que je souhaite est évidemment qu'elle soit hébergée par la plateforme Open Edition. Alors, qu'est-ce qu'une revue d'histoire culturelle? Alors, c'est l'émanation déjà d'un champ, j'en dirais peut-être quelques mots, hein, de l'histoire culturelle. Dans un large spectre, c'est aussi l'émanation d'un collectif. Alors cette revue, elle s'inscrit dans la continuité des activités d'une société savante créée en 1999 qui s'appelle l'ADHC, Association pour le développement de l'histoire culturelle, qui a été présidée ou qui est encore présidée par Pascal Horry. Et donc là, il y a une nouvelle impulsion pour créer cette revue d'histoire culturelle. Voilà, et avec, pour le premier numéro de cette revue, la culture, ça sert aussi à gouverner, ça tombe bien. Nous sommes en direct des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, où le thème cette année est gouverner. Et il y a cette vivacité dans la recherche de l'histoire culturelle, mais dans toutes les formes d'histoire, avec ces dialogues qui existent constamment, des publications, bien sûr. Nous citons le magazine du Monde, parce que vous êtes là aujourd'hui avec nous, Pierre Singaravelou et Sylvain Venner. Mais il y a aussi ce dialogue sans cesse en histoire qui est nécessaire, et dans le magazine du Monde, c'est cela aussi, c'est un dialogue entre les différentes approches, les différents regards que peuvent porter les historiens et les historiennes sur leur objet d'étude. Pierre Singaravelou. Oui, en ce sens, l'histoire globale est une histoire totale, vous l'avez rappelé, c'est une histoire sociale, politique, culturelle, environnementale, on le voit bien à travers l'importance que prend une nouvelle matière, le plastique, à partir du milieu du 19e siècle dans la fabrication de tous ces objets qui peuplent notre quotidien. Mais disons que notre conviction avec Sylvain, c'est que cette histoire du monde, elle ne peut être que collective. Elle ne peut être que collective de par la diversité des archives qui sont dispersées aux quatre coins du monde, et puis aussi la grande diversité des langues qu'il faut maîtriser pour pouvoir lire ces archives. Et donc, d'où la nécessité pour nous d'avoir consulté pendant 2 ans un grand nombre de spécialistes de chaque aire culturelle, comme on les appelle en France, de chaque région du monde. Et on a comme ça fait des découvertes, parce qu'en fait, il faut avouer qu'avec Sylvain, nous n'avions pas identifier tous ces objets, loin de là. C'est-à-dire que c'est en rencontrant, en discutant longuement avec Armel Enders que nous avons eu l'idée, elle a eu l'idée d'intégrer la tongue dans le magasin du Monde. C'est en discutant avec Geneviève Verdeau, spécialiste de l'Argentine, que nous avons, à la suite des discussions avec elle, intégré le bandoneon, qui est un accordéon, une sorte d'accordéon d'origine argentine, etc., etc. Donc ce sont nos collègues qui ont enrichi, qui ont en fait constitué eux-mêmes ce magasin. Voilà, donc vous êtes en fait Sylvain Venner, Pierre Singaravelou, des locomotives, et peu à peu s'agrègent les petits wagons, et ce qui nous donne un train, c'est pas le train miniature que vous avez étudié, Sylvain Venner. Là, écoutez, en l'occurrence, on va trouver un train miniature, mais c'est celui qui est chanté par Estelle Caron. C'est un petit train miniature, c'est un petit tout petit train qui va vite et sonne et qui fume. Sans le voir, on n'en croirait rien. Voyez, il file et vole, tous les meublés sur le tapis, tous les enfants rigolent, du plus petit au plus grand on rit. Les voyageurs, tout loulou, doulou, doulou, assis confortablement dans le salon, tout loulou, doulou, doulou, regarde filer le train d'enfants, 100 000 à l'heure, tout loulou, doulou, doulou, entre les jambes des parents. Pardon, pardon, non, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, sans dire le train en marchant. C'est un petit train, c'est un petit train, c'est un petit train, c'est un petit train, c'est un petit train. Le train miniature d'Estelle Caron, Sylvain Venner, dans le magasin du Monde, la mondialisation par les objets du 18e siècle à nos jours, publié chez Fayard. Vous évoquez ce train miniature et le texte est pertinent parce que nous voyons tout de suite le jeune enfant, lecture première, et de là, vous tirez une analyse qui nous explique que, évidemment, le symbole ou la portée d'un train miniature n'est pas simplement un jouet d'enfant. Non, d'autant qu'à partir du, assez rapidement d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, se met en place ce qui va devenir au 20e le modélisme ferroviaire, qui est plutôt une activité d'adulte. Et puis le train miniature, parmi d'autres jouets d'enfants d'ailleurs, mais celui-là il est important. Il permet de traiter un aspect de la culture matérielle mondiale depuis la fin du 18e siècle, qui est qu'une grande partie des objets qui nous entourent, sans qu'on s'en rende compte, sont des objets gigantesques. Les objets qui nous viennent de la révolution industrielle, après tout, c'est aussi la locomotive, mais c'est aussi l'usine, c'est aussi la gare, ce sont les grands paquebots, ça peut être énormément de choses. Or, on ne les appréhende pas nécessairement comme ça. Et il y a effectivement tout un processus de miniaturisation de ce gigantisme des objets issus de la révolution industrielle qui est assez intéressant à étudier. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça en l'occurrence en Occident? Parce que les moyens de transport, navires à vapeur, chemin de fer, et puis par la suite avions, etc., ce sont presque des, dans le discours occidental, des preuves de la supériorité de l'Occident. Puisque c'est ce qui a permis, sous l'impulsion de l'Occident, d'unifier le monde par les grands réseaux. Et il faut comprendre ce geste qui consiste à, comme le dit la chanson, là, à reproduire un grand réseau comme ça dans l'espace du salon, avec ces trains qui filent à toute allure entre les jambes des parents. Qu'est-ce que ça signifie derrière? Ça signifie cette espèce de folle maîtrise, enfin, pas de maîtrise, la maîtrise peut exister par ailleurs, mais d'exhibition de la maîtrise technique avec tout ce que la technique charrie derrière et véhicule de représentation, notamment par exemple de représentation viriliste, puisque ces trains miniatures sont en théorie réservés aux enfants, aux petits garçons qui sont censés apprendre de cette façon-là les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et organiser le monde en dehors de tout accident. Voilà, je pense que beaucoup d'éditeurs ou d'éditrices se disent, tiens, au moment d'ouvrir mon paquet de cadeaux à Noël, que j'ai reçu un petit train électrique, je ne pensais pas à tout ça. Mais l'analyse est extrêmement pertinente et c'est ce qui nous plaît en histoire. C'est toute cette réflexion, ce qui permet d'aller un peu plus loin que la lecture première et de rendre le quotidien plus joli, le quotidien et le futur aussi. Hein, parce que dans la revue d'histoire culturelle que vous nous avez présentée, Laurence Guignard, donc le thème, hein, c'est la culture, ça sert aussi à gouverner là du prochain numéro, ou alors évidemment au-delà de ça il y a plein d'autres choses qu'on va trouver dedans et notamment un texte de l'ami Emmanuel Laurentin, comment je ne suis pas devenu historien, et c'est génial. Non mais c'est vrai, le parcours d'Emmanuel c'est formidable, et vous évoquez hein, les futurs possibles du présent, c'est écrit avec Roland Lehoucq. Exactement. Donc dans la revue, il y a un dossier avec un dossier thématique. Hein. Donc cette fois-ci, c'est la culture, ça sert aussi à gouverner, ce qui tombe très bien pour les rendez-vous d'histoire de Blois. Et puis il y a les rubriques. Hein. Donc il y a une rubrique épistémologie en débat, il y a une rubrique varia, il y a des rubriques ouvertes sur l'actualité avec cette idée que l'on va essayer d'attraper ce qui se passe dans le domaine académique, mais aussi ce qui se passe à côté, notamment à la radio ou dans des expositions ou du côté du cinéma. Alors, la rubrique épistémologie en débat, cette fois-ci, s'est intéressée au possible. C'était aussi une manière d'inaugurer la revue hein, vers les futurs possibles et d'ouvrir vers l'avenir. Et on s'est interrogé sur la manière dont les manières dont on a envisagé le futur hein, ou envisagé des mondes possibles dans le passé sont des objets utilisables par les historiens. Alors, ça peut être une méthode expérimentale. Alors là, il y a un spécialiste de l'histoire contrefactuelle utilise cette notion de possible en histoire. Et on peut aussi s'intéresser aux productions culturelles comme la science-fiction, les dystopies, les utopies, etc. Et essayer de comprendre ce qu'elles nous disent sur le passé. Et cet entretien avec un astrophysicien, Roland Lehoucq, qui est aussi très intéressé par la science-fiction, a permis de travailler sur les échanges en fait entre le domaine scientifique hein, et le domaine fictionnel autour de cette question des possibles. Voilà, donc regardez le passé, un peu partout dans le passé, pour essayer d'améliorer le présent. Ben, tenez, c'est ce que fait le numéro de La Croix Lebdo, notre partenaire, en regardant, alors c'est un dossier qui est très très intéressant, management, et si on s'inspirait des moines. Attention, la règle de Saint-Benoît appliquée à l'entreprise. Eh ben, pour nous en parler, tout de suite, Isabelle de Golemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à La Croix, et vous nous proposez ce dossier où l'on rencontre, c'est un bonheur, des moines. Un âne enseignant les écritures aux évêques. Le pape en renard et messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous nous couchons tôt et levons pas matin. Nous nous couchons tôt et levons pas matin. Si le prieur nous engueule, on lui chante des chansons. C'est ça qui est bon et bon et bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, ha, ha. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, ha, ha. Et voilà la vie que tous les moines font. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Alors, on a entendu un petit module sonore réalisé par Milena Hellig, qui réalise également le cours de l'histoire, où l'on croisait les Monty Picton, le nom de la rose, et Jacques Gauthier qui chantait « Nous sommes les moines de Saint-Bernardin ». J'en profite pour remercier non pas les moines de Saint-Bernardin, mais la congrégation de France Culture, hein, tous ceux à la technique qui nous permettent de réaliser cette émission. Jean-Marc Clos, Benoît Gégou, Fabien Gosset, Georges Thau, Éric Audra et Jean-François Georges, et à Paris, Alex Dang. Merci vraiment à vous tous. Alors, Isabelle de Golmin, quelle est cette idée de la croix hebdo, de s'inspirer de la règle de Saint-Benoît pour manager l'entreprise? Oui, en fait, c'est notre journaliste Stéphane Bataillon qui a rencontré un certain nombre de coachs, hein, vous savez, c'est très à la mode, le coaching en entreprise, et qui ont dit, écoutez, ce qui marche le mieux aujourd'hui dans les modules de stage qu'ils proposent, c'est le stage managé à l'écoute de la règle de Saint-Benoît. Alors, ça nous a surpris parce que la règle de Saint-Benoît, ça date quand même du 6e siècle, donc c'est quand même 15 siècles que ça a été écrit. Et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on peut s'inspirer d'une règle monastique? Donc on a trouvé ça intéressant, et c'est vrai que ça fait tout à fait écho à la problématique de ces journées de Blois. Voilà, parce que bah, si l'on prend ce dossier, pour bien décider, taisez-vous. Ça, c'est contre les réunions interminables. Il y a quelque chose dont tout le monde semble concerné d'un coup. Et non, mais voilà. Et en quoi la règle de Saint-Benoît, par exemple, sur le fait d'être confronté à la réunionnite, peut nous aider? Bah parce que la règle de Saint-Benoît, elle commence par écoute. Écoute, et elle se finit par tu parviendras. Donc, la première chose à faire, c'est écouter, et donc diriger une réunion avec une espèce d'écoute active qui permet de laisser la parole à chacun et ensuite de décider. Voilà, c'est un exemple. Il y a aussi quelque chose qui résonne bien chez nous, c'est quand tu entends la cloche, laisse tout tomber. Et là, c'est peut-être un peu un anti-stress, c'est-à-dire de dire, c'est pas la peine de travailler jusqu'à 22h ou 23h le soir. Il y a un moment où il faut aller. Alors pour les moines, c'est aller prier, mais pour d'autres gens, ça peut juste être de sortir. Non, ce qui est intéressant, c'est que le monastère, c'est un lieu normalement monos, qui est la racine du mot moine, c'est uni. Donc on cherche une certaine unité de vie, et ça c'est quand même très à la mode aujourd'hui, hein. Les jeunes en entreprise, ils veulent quand même avoir du sens, ils veulent être dans une unité. Et puis dans un monastère, on est confiné, c'est-à-dire que évidemment avec toutes ces histoires de confinement et de comment être un peu à l'extérieur du monde, alors le monastère, on y est complètement, on est confiné. Et puis il y a une chose aussi, c'est que dans un monastère, normalement, on n'exclut pas. Vous vivez avec les mêmes personnes pendant des années. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose d'un peu rigolo, parce que c'est vraiment pas pour dire les moines, ils sont formidables, ils ont trouvé toutes les recettes, etc. Non, pas du tout. Je peux vous dire qu'il y a des monastères où ça se passe mal, où il y a des embrouilles, des déchirures, c'est très compliqué. Sauf que comme ils ont cet impératif de vivre ensemble, ils ont beaucoup réfléchi à ça, donc il y a une forme un peu de science du collectif qui peut être intéressante pour nous. Isabelle de Golmin, effectivement, vous faites bien de le souligner, il y a alors des monastères et des règles qui ne portent pas au grand plaisir, hein. On le sait bien. Non, mais c'est vrai, vivre comme un trappiste, etc. Il y a des expressions. Vous avez choisi la règle de Saint-Benoît, c'est une bonne idée. Et puis, on apprend des choses, c'est tout bête, mais écoute et obéissance ont la même étymologie latine. Obo et dire, prêter l'oreille, suivre les conseils, obéir à la lettre. Moi, c'est le genre de truc, ça me fait ma journée. J'ai appris quelque chose, je suis très content. Vous imaginez, quand je lis le magasin du Monde, mais là, c'est un orgasme de plaisir, parce qu'on apprend plein de choses. Mais il y a aussi ce jeu-là, et dans la croix, et l'hebdo, c'est vraiment un regard, souvent, sur l'histoire, parce que l'histoire pour le présent, on le sait bien, c'est à la fois important, on apprend des choses, et puis il y a quelque chose d'extrêmement ludique aussi. Bah oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé trouver des start-up qui puissent comme ça penser à la règle de Saint-Benoît. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Puis ce qui est marrant, c'est qu'on découvre qu'il y a plein de choses qui sont finalement un peu à la base du management d'aujourd'hui. Par exemple, quand vous avez un conflit entre deux moines, ils avaient toute une procédure pour régler le conflit, et notamment faire appel à un tiers. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis il y a aussi quelque chose qui est peut-être intéressant pour notre société d'aujourd'hui, c'est alors on dit toujours ora et labora. En fait, c'est pas prier et travailler, mais c'est plutôt dans la règle de Saint-Benoît même, c'est travailler des mains et travailler de la tête. Voilà. Et Et un moine, normalement, selon la règle de Saint-Benoît, même s'il y a eu beaucoup de dérives après, doit avoir un travail manuel et un travail intellectuel. Et c'est ça, c'est une garantie d'unité. Et voilà, je trouve que c'est intéressant pour nous. Alors, il y a eu des dérives aussi dans le monachisme, parce qu'à un moment, il y avait les moines convers, qui étaient les pauvres, qui en fait, faisaient tout le travail manuel, et puis les moines intellectuels, qui, eux, avaient le droit de lire. Mais normalement, selon la règle de Saint-Benoît, on fait les deux. Alors, on peut faire une similitude entre le monastère et l'entreprise. Nous voyons que l'abbé, le père abbé, serait le patron, mais il y a Dieu dans tout ça. C'est le profit, c'est l'argent. Non, mais c'est vrai. Alors, que voilà, c'est la rupture. C'est ce qu'ils disent que effectivement, a priori, il y a une forme de gratuité. Ceci dit, on sait bien que dans notre histoire occidentale, les monastères ont été souvent des lieux économiques très importants. Qu'aujourd'hui encore, les produits monastiques, ça marche très très bien. Donc il y a des monastères qui fabriquent beaucoup de produits, en plus c'est bio, alors c'est formidable. Et donc il y a effectivement il y a le don, et puis il y a aussi normalement vous entrez dans un monastère pour devenir saint, c'est-à-dire être dans votre développement de votre humanité sous le regard de Dieu. Bon, dans l'entreprise, je pense pas que ça soit tout à fait ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes. Et normalement un monastère produit quelque chose. C'est une unité économique. Et il y a eu des monastères extrêmement riches dans l'histoire de France. Oui, parce que dans ce dossier de la Croix à l'Hebdo, effectivement, il y a ce parti pris, vous le dites bien, Isabelle de Golemin, de dire on regarde la règle de Saint-Benoît, mais avec toute la conscience de la distance du temps. C'est plus un travail intellectuel, un jeu, mais il est très pertinent. Et justement, dans la revue d'histoire culturelle, quand on regarde un peu cette proposition Laurence Guignard, il y a aussi ça dans l'histoire. Ce n'est pas une revue d'histoire culturelle au sens où nous parlons à des historiens, des historiennes, d'épistémologie, d'historiographie. Ce n'est pas ça. L'histoire culturelle, en vérité, c'est ouvert à tous, vu que ça parle de notre monde, de l'actualité, même si ça parle du passé. Oui, tout à fait. L'histoire culturelle s'est considérablement élargie depuis l'époque où, jusque dans les années 60, ça concernait uniquement les objets d'élite intellectuelle, la littérature, le roman, l'opéra, etc. Et aujourd'hui, c'est plus devenu une approche, finalement, une approche de la manière dont les individus envisagent leur monde, dont ils comprennent leur monde. Et en ce sens, on peut parler d'histoire culturelle du politique, d'histoire culturelle de l'économie, d'histoire culturelle de la religion, d'histoire des pratiques, d'histoire des cultures techniques. Donc il y a un éventail extrêmement large de cette histoire culturelle, et la revue se donne pour tâche d'essayer de réunir tous ces fils de l'histoire des institutions culturelles ou des politiques culturelles à quelque chose qui irait plutôt vers les sensibilités, l'anthropologie historique. On se propose de réunir tout ça pour avoir une revue qui soit aussi tournée vers les jeunes chercheurs, vers l'actualité, vers le monde présent aussi. Oui, vers l'actualité, vous le faites bien de le dire, parce que c'est vrai qu'en histoire, souvent, avant d'avoir un compte-rendu d'ouvrage, il faut attendre un an, deux ans, trois ans. On va essayer d'être plus rapide pour le magasin du Monde. Voilà, non mais c'est ça, et la revue d'histoire culturelle se propose d'aller plus vite quand l'ouvrage sort. Et dans le magasin du Monde, Sylvain Venère, on a un peu cette démarche que l'on entend depuis tout à l'heure, de croiser toutes les disciplines, d'avoir tous les regards, mais pour le magasin du Monde, ça demande un exercice également de style. Il y a tout un travail à faire de narration, parce que l'ouvrage est destiné à un grand public, amateur d'histoire. Il faut savoir raconter. Alors raconter en peu d'espace un objet, c'est quelque chose de très difficile, surtout que certains objets, moi j'étais étonné, le bâton de craie n'a pas d'histoire encore. Il y a des histoires à raconter. Donc ce magasin du Monde, c'est aussi une brocante gigantesque avec beaucoup d'objets à retaper en fait. Oui, et puis effectivement, selon les objets et selon les auteurs, c'était deux travaux d'écriture très très différents. Parfois, vous pouviez attraper un objet qui avait déjà donné lieu à beaucoup d'articles ou de livres, et il fallait synthétiser ça dans un petit texte. Et parfois, ce que fait Philippe Artière avec le bâton de craie, il n'existe rien, il n'y a aucune histoire du bâton de craie, et il s'agit de faire un effort d'imagination pour... En l'absence de toute source ou de tout travaux érudits sur la question, essayer d'imaginer ce que ça peut être. De toute façon, l'effort d'imagination, tout le monde l'a fait, parce que, comme le disait Pierre Saint-Garavelou tout à l'heure, il est très difficile de se prétendre spécialiste de l'histoire du monde. Donc c'est à partir d'un petit d'une petite parcelle de savoir qu'une historienne ou un historien a, qu'il s'agit de voir ce que peut donner à ce savoir l'effort qui consiste à passer par l'échelle du monde. Passer par l'échelle du monde et puis passer, je le disais, par un mode de narration. C'est vrai que le texte sur la planche de surf est formidable parce que on sent que Pierre Tsangarivelu s'est amusé aussi. Il y a tout un jeu. Et juste évoquer, parce que nous sommes au rendez-vous de l'histoire, et il y a un historien qui a marqué, qui nous a quitté très récemment, Dominique Khalifa. Dominique Khalifa qui a écrit pour ce magazine du Monde. Mais oui, typiquement, un effort d'écriture qu'il a dû accomplir pour cet objet, il s'est chargé du revolver. Le revolver, lui, le connaissait parce que c'était un spécialiste du fait divers criminel dans la France de la Belle Époque. Donc ça, c'était quelque chose qu'il avait bien pu constater dans tous les travaux qu'il avait fait, cet âge du revolver, ce revolverisme dont on parlait aux alentours de 1900 à Paris. Mais qu'est-ce que devient cette histoire-là si on essaie de la penser à l'échelle du monde? Et alors, il a tenu un petit peu les deux bouts de ce que vient de dire d'ailleurs Laurent sur ce que c'est l'histoire culturelle. C'est-à-dire que pour une part, il est allé évidemment raconter l'histoire des origines du revolver, de la firme Colt, de ce qui se passe aux États-Unis et de façon générale en Amérique du Nord. Et puis ensuite de la diffusion de cette arme à l'échelle du monde. Et puis pour une autre part, il est allé chercher aussi tout ce qui relève de l'imaginaire du revolver, et en particulier, alors c'est là encore, si on pense l'imaginaire du monde, la roulette russe, et qui correspondait, c'est ce qu'il explique bien, aux représentations de l'âme slave torturée, sans qu'on ait absolument aucune preuve que la roulette russe vienne de Russie, et que finalement ce qui la manifeste plutôt comme expérience pratique, c'est plus exactement l'armée d'Afrique du Nord sur laquelle lui avait travaillé quand il avait fait son enquête sur les bagnes de Biribi, ou encore ce qui ressort de représentations de la guerre du Vietnam dans les années 1960. Oui, et puis il termine son texte, Dominique Khalifa, en disant qu'aujourd'hui, c'est l'arme automatique qui a pris le dessus en soi dans l'image, mais toute cette réflexion sur le revolver qui reste encore une image qui fait fantasmer. Et il termine en disant ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Et Dominique Khalifa qui est évoqué également dans la revue d'histoire culturelle. Oui, tout à fait. Il y a quelques textes d'hommage et de présentation et d'explication de ces apports historiographiques. Voilà, avec un texte de Michel Perrault. Eh bien, écoutez, c'est vrai que ce foisonnement, nous passons du monastère au magasin du monde à la nouvelle revue d'histoire culturelle. Elle s'appelle la revue d'histoire culturelle. Je dis la nouvelle parce qu'elle est nouvelle. Nous permet d'arriver à un autre objet. Mais d'ailleurs, qui se trouve aussi dans le magasin du monde. Cette fois-ci, c'est un journal. Le nôtre, c'est le journal de l'histoire d'Anna Esquien. Bonjour Anna Esquien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, oulala, nous sommes très contents d'être ici. Avignon, Cannes, l'Oktoberfest, Coachella, tous les grands festivals ont été annulés cette année, mais pas les rendez-vous de l'histoire de Blois. Et on s'en réjouit parce qu'on aime les festivals et parce qu'on aime l'histoire. Pour éviter ces annulations sèches, des dispositifs de festivité à distance sont parfois proposés, des conférences numériques, des plateformes de visionnage à distance pour faire son festival à la maison, dans un espace domestique, confortable et parfaitement maîtrisé, qui contrarie totalement le principe même du festival. Parce qu'un festival, c'est quoi? C'est le tourbillon, la surenchère, le bordel, les zones de piétinement maximal et une gastronomie approximative inscrite au registre du folklore de ces rassemblements massifs. Le paysage culturel se trouve chamboulé par toutes ces annulations, parce qu'aujourd'hui, tous les domaines de la culture ont leur festival, du mouton au piano en passant par le film d'horreur et le fromage de chèvre. Comment cette forme festive inimaginable sans une foule est-elle née ? L'historien Pascal Horry, que vous avez déjà cité il y a quelques minutes, s'est risqué à une histoire de l'invention du festival. De nombreux événements ressemblent à des festivals dès le XVIIIe siècle, sans en porter le nom, jusqu'à la contamination du terme anglais détaché de son sens premier. Les festivals sont d'abord religieux et charitables, avant de devenir essentiellement musicaux, et enfin de s'ouvrir à tous les domaines. Les Festspielen germaniques, les Orpheonies britanniques et en France, le théâtre du peuple de Bussan, créée par Maurice Poche dans les Vosges en 1895. La forme du festival s'est inventée avec ses modèles, ses contre-modèles et bientôt ses rivalités, ses acteurs centraux et ses marginaux. Berlioz et Strauss demandent leur festival avec insistance au préfet de Paris en 1844 sur le modèle de ces fêtes musicales qui excitent toujours au plus haut degré l'intérêt des amis de l'art et sont en même temps un sujet de noble jouissance pour les populations. Albert Savignac écrit en 1897. On va à Bayreuth comme on veut, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, en chemin de fer, et le vrai pèlerin devrait y aller à genoux. Une dévotion sans limite parce que le festival invente une manifestation néo-religieuse avec ses héros vénérables au siècle de la déchristianisation, un nouveau culte culturel avec ses rituels, ses frites molles, ses héros et ses héroïnes. La Révolution française s'était bien essayée à faire de la fête un mode de gouvernement, mais avec un succès mitigé, difficile de continuer à faire tourner les serviettes quand toutes les monarchies voisines vous tombent dessus armées jusqu'aux dents. Les arts lyriques, le Hellfest, la littérature de voyage à Saint-Malo, le film de femme à Créteil. Après la Deuxième Guerre mondiale, la festivalisation s'empare du monde. Cannes, Locarno, Édimbourg, Chambéry, Deauville, on multiplie les veillées d'armes non plus pour se faire la guerre, mais pour célébrer les arts et la paix. La politique y avait déjà fait son nid dans l'entre-deux-guerres avec la création du Festival de Cannes, piloté par le gouvernement français pour concurrencer la Mostra de Venise, désormais sous tutelle fasciste. Le festival est politique, qu'il soit international, national, local. Même la guerre froide a ses festivals. Ils sont mondiaux et de la jeunesse dans les pays de l'Est à partir de 1947. Le festival, c'est aussi une occasion d'exister pour les cultures illégitimes qui s'aménagent des espaces alternatifs et s'implantent par là durablement dans le paysage culturel légitime comme le cinéma et la BD. Chaque édition se doit d'abord d'avoir sa particularité, ses séquences mémorables, ses performances exceptionnelles, ses débats, ses scandales ou ses intoxications alimentaires et ses rencontres artistiques inédites et non reproductible. C'est aussi pour ceux qui s'y rendent au festival une autre manière d'être au monde, le temps de quelques jours. Ce qui séduit, c'est le spectacle présent partout, sur scène ou dans la rue. L'extraordinaire advient dans les prestations virtuoses, mais aussi dans l'application des spectateurs à vivre en festivalier et donc à devenir les coproducteurs de l'événement. C'est cette communauté qui fait surgir la fête, l'incarnation d'une utopie le temps d'un week-end ou d'une semaine. Alors mobilisons notre énergie festive, mais gardons-en un peu pour le reste de l'année, d'autant plus pour celle-ci peut-être. Et oui, merci beaucoup Anaïs Quien. Vous avez évoqué, Anaïs, dans votre chronique, ces héros vénérables. Mais parmi ces héros, il y a Sylvain Vénère, qui avait cette voix, cette voix sublime au milieu de votre texte. Donc merci beaucoup Anaïs, et merci beaucoup aussi Sylvain. C'était le journal de l'histoire que l'on retrouve sur notre site franceculture.fr. Et Sylvain Venère, dans ce magasin du Monde que vous publiez chez Fayard, que vous dirigez avec Pierre Singer-Avelou, il y a tout cet aspect politique qu'il faut souligner aussi, et nous n'avons pas mis le doigt sur cette question qui est peut-être aussi au cœur de plein de réflexions. Il y a de la politique derrière tout cela. Oui, alors elle se cache en plus dans des endroits où on la soupçonnerait pas forcément. Je prends juste un exemple parce que le temps passe, mais si on fait une histoire mondiale du piano. Cette histoire mondiale du piano, elle passe par une question, c'est où trouve-t-on cet ivoire pour recouvrir les touches blanches et cette ébène pour recouvrir les touches noires pour les centaines de milliers de pianos qu'on produit en Europe et aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Ben, on le trouve en Afrique de l'Est. Et pour obtenir cet ivoire en particulier, on décime les troupeaux d'éléphants d'Afrique de l'Est parce que c'est là que se trouve le meilleur ivoire. Et pour décimer ces troupeaux d'éléphants, on utilise des bandes de chasseurs. Et ces bandes de chasseurs, elles finissent par déséquilibrer les sociétés locales et elle joue un rôle non négligeable dans la facilité avec laquelle les Européens s'emparent de cette partie du monde à la fin du siècle. Ça, c'est un exemple parmi tous ceux qu'on trouve, et ils sont nombreux dans le magasin du Monde, la mondialisation par les objets du 18e siècle à nos jours chez Fayard que vous dirigez. Merci beaucoup Pierre Singer-Avelou, merci beaucoup Sylvain Venère et merci beaucoup aussi à vous Laurence Guignard. Et je rappelle, la revue d'histoire culturelle, c'est en ligne là dès maintenant. Merci c'est également. Gratuit. Et c'est gratuit, c'est très important de le dire. Non, mais c'est important dans ce magasin, il y a des choses gratuites. Et merci beaucoup aussi Isabelle de Golemin pour nous avoir évoqué La Croix-l'Hebdo, notre partenaire. avec ce dossier managé avec les moines, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres choses. Oui, il y a un entretien avec Diagne qu'on va retrouver à Blois, je crois, tout à l'heure, et qui est un grand philosophe musulman qui vit aux États-Unis d'origine sénégalaise et qui a une vision du monde qui, je crois, fait du bien aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et merci à toute l'équipe du Code de l'Histoire, Marion Dupointe, Toscane Viudès, Odile Joëssel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour, attention, une histoire du travail à domicile, bien avant l'ère du télétravail.